enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Bonjour les amis, douce nuit dans vos oreilles. Hey, commence pas ça là, les belles petites chansons, non c'est quoi, c'est des berceuses ça là? Est-ce qu'il faut, hey, ça c'est une bonne question en commençant cette émission qui sera la meilleure depuis des lustres, moi je dis au moins 15, un lustre ça équivaut à combien d'années? Oh, ça dépend de la lumière qui se trouve sur les lustres. Oh, ouais. Pendant ce temps-là, je réfléchis, là. OK, une année, une lumière. Toi, t'es pas une lumière. Eh, hey, merci, vous avez reconnu l'intelligence qui sommeillait. Sommeille pas, réveille! OK. Alors, ouais, c'est ça, pour chanter. Merci, hey, en plus, il s'en souvient. Il s'en souvient. Son esprit était plus glacé qu'hier. Mais l'hiver attendait ses jours et ses nuits. Et le reste avait une couleur d'ennui. Il s'est précipité, il a glissé. Allez, viens, l'ambulance, si tu ne pars pas si longtemps, tu verras. Il mouille, il meurt, comme le serpent. Allez, viens, voir le brindang. Excusez. Encore. D'accord. Bonjour, vous, les amis. Comment allez-vous? Oh, t'allez pas mal, moi, là. Et, ça fait 3 semaines que j'étale. Puis, je me demande si mon fromage mental aura le goût désiré. au désir. Et là-bas, à un moment donné, je me rappelle. À un moment donné, j'étais avec en couple. Et à un moment donné, c'était très bien donné. J'avais payé pas mal cher, là, mais. Et puis, il m'arrivait, surtout au repas, tu sais, quand tu prépares la nourriture là, pour un bon gueuleton, là, les enfants sont à l'extérieur, puis on sait qu'ils vont entrer, puis ils vont dire « ça sent bon », puis là, tout le monde va s'attabler, puis on débouche une bonne bouteille de rouge, puis on se la passe, là, je veux dire, moi et ma gracieuse douce, qui était ma copine de l'époque, et qui, lui, est toujours ma grande amie, elle n'a pas quand même rapetissé depuis le temps. 6 pieds 3. C'est long à aimer. Mais je l'aime toujours. On se comprend-tu? Plus de relations amoureuses, mais encore des rencontres. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais les amoureux n'ont pas d'histoire. C'est quoi dans la chanson? Les amoureux. Ah, et puis, ça se prend. Pendant que nous préparions, puis là, c'est sur quoi je voulais aller, non? En tout cas. Ah oui, la berceuse, OK. Pendant que. Il faudrait que je l'écrive. Gaétan. Parce que là, j'ai. Lâche-lui, là. Ouais, OK. Berceuse. Berceuse. Et puis, pendant que nous préparions la nourriture, puis c'est toujours. Puis elle était excellente cuisinière. Elle l'est toujours. La lasagne, jamais battue dans aucun restaurant, dans aucune personne, même après mes nouvelles copines qui ont précédé la dernière copine que je vous parle actuellement, ont jamais réussi. Surtout, les autres étaient nuls en gastronomie. Ben, pas en gastronomie, mais en art culinaire, parce que c'est de l'art. Hein? De l'art, autant que faire de la peinture, autant que jouer de la guitare. C'est quand même quelque chose là, qui demande beaucoup de travail, mais aussi quelques erreurs. Et puis là, pendant ce temps-là, pendant qu'on prépare, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des rivons? De la grande échelle, qu'est-ce qu'on a fait des fripons? Oh, pas de panique, il nous les faut. Pendant qu'on préparait la bouffe, hein, je touillais. Ma copine, ma douce copine, qui était quand même intellectuelle, elle disait « touille-l'entouille, je touillais, j'étais heureux, là. Je me sentais valorisé du le mâle en route, je tournais, comme un chien après sa queue, là. Ça, c'était après la bouffe, puis après le vin, je tournais après, mais oh, c'est une autre histoire, ça, là. Puis, trop de bonheur. Mais il reste que j'étais le jukebox, c'est-à-dire que je disais un mot et le mot me rappelait une chanson. Hey, ça l'énervait pas à peu près. Au début, elle dit « Oh, t'es fantastique, tu fais de l'impro sur un clou. » Pas sur un clou, c'est quoi? Sur un dessin, pas sur un clou. Voyons donc, c'est quoi tourner sur un clou, toi, là? Hey, moi, je me rapporte à Jésus. Ah, il a été crucifié, ce pauvre homme, crucifié. Il avait 3 clous. Il avait même pas les moyens financiers d'en avoir 4. Dans ce temps-là, ce monde-là, c'était plus que pauvre. Là. Ils se sont dit, écoute, on a 3 clous, OK? On a 3 clous. Il y a 4 membres à clouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, il y a une congrégation de moineaux. Là. Il y avait du pain au-dessous. Puis surtout, non, il y avait des graines. Ils courent après les graines. C'est pas encore aujourd'hui. Hein? Ils sont en cours actuellement. Ben, pas dans la cour d'école en train de ramasser les graines. Oui, quoi que, oui, ils sont tous. Ils gravitent. Dans les cours d'école, cherchant des graines. Là, ça chauffe. Pourquoi je disais ça? Gaétan. Pourquoi je disais... Ouais. Ah oui, la berceuse. Non, mais c'est ça. Donc, il gravite. Berceuse. Est-ce qu'il faut se bercer pour chanter des berceuses? On va la lancer, là. Rattrape la... Non. Laisse-la tomber. Comme la crêpe. Suzette, laisse-la tomber. Non, laisse-la tomber. Il y a une différence, là, parce qu'elle vient pas de chez nous. Elle comment? Pas de chez nous. Non, excuse-moi, tu viens de chez nous. Ouais. OK. Bah. OK, mais là, t'es derrière la vitre, on voit la mort. Oui, moi, je te comprends, j'ai les oreillettes, mais les gens à la maison, ils n'entendent pas. Alors, pendant la pause, merci, pendant la pause, il y a 3-4 publicités. Est-ce qu'il y a de la pub ce soir, là? Il n'y a jamais eu de pub. De pute? Non, j'ai pas dit la... Oui. Ah, il y en a de la pute. Ah, oh, ben, faites-les rentrer. C'est quoi les... Ah, oh, non. j'ai dit des pubs. P-U-B, pub. Au pluriel, pub. Non, parce que au pluriel... Ça, c'est une autre histoire. Là. Une autre histoire n'a pas d'amour. Non, c'est... est-ce que... À une certaine époque, là, on disait que lorsque l'on raccourcissait un mot puis qu'il devenait au pluriel, on n'était pas obligé de placer un S. Exemple, médiatique. Lorsqu'on dit les circuits médiatiques, on doit mettre un S. Mais si on place les circuits médias ou le cercle, tiens, les cercles médiatiques, bon, on met un S, mais les cercles médias, on n'était pas à l'époque obligé de placer un S puisque c'était le diminutif. On n'écrivait pas au complet le mot, on le coupait. Circoncision. Jésus sur la croix. Ah oui, c'est ça, Jésus sur la croix, merci. Il y avait 3 clous, puis là, il y avait 4 membres. Là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Hey, on tombe sur une scène. Non, sur un clou. On tombe sur un clou. Non, c'est la punaise. En tout cas, la punaise au lit. Puis, en parlant de la punaise au lit. Facebook, courriel, à un moment donné. Quel était son nom? Non, pas Olivia. Olivia? Non. Attendez. Arrêtez de dire rien, voyons donc. Ça manque de professionnalistes. Êtes-vous professionnaliste? Moi, je suis très professionnaliste. Ouais. Hein, c'est qui? Olga, ça va tout moulin. Olga, ça va tout moulin. C'est pour y faire moudre son grain. C'est pour y faire moudre son grain. À cheval sur son renard, la petite Olga le madame. À cheval sur son gars de madame. Marien, ça va tout moulin. Le moulin s'en va sur Olga. Le moulin s'en va sur Olga. Ah! Elle n'a jamais vu ça. Elle a le moulin qui part vers elle. Normalement, c'est elle qui s'en va voir le moulin. Puis cette journée-là, le moulin était fâché. C'était mal réveillé. Tu sais, il s'est rendu compte qu'il était syndiqué puis s'était fait exploiter par son syndicat. Il payait pour rien. Puis il travaillait pas pour lui, le syndicat. Mais lui, l'imbécile, travaillait pour le syndicat. Puis Charles Chartin était mort, là, il pouvait pas prendre sa place, là, puis monter sa place publique. Puis quand il montait sa place publique, Michel Chartrand, c'était pas à peu près, là. Il y avait des sacs, des blasphèmes qui s'illuminaient de tout leur feu. Ça bouillonnait, c'est extraordinaire, Michel Chartrand, on s'ennuie de toi. Oui, c'est vrai! Michel Chartrand, on le dit, on le redit, pour une dernière fois. Ensuite, Serge Gainsbourg, provocateur à la télé, la radio, dans les médias, c'était merveilleux aussi de l'entendre. Et il y en a pas... Ah oh oui, bien, Pierre... Oui, Elvis Gratton, Pierre Falardeau, c'est triste, on ne l'entend plus. Rénal Gagné, pas grand-chose. Trop gêné d'être gêné. À une certaine époque, il faisait de la radio à CKRL, il y a 25-30 ans, il se coupait quand il faisait sa mise en onde. Allô, vous allez entendre Étienne Dao. Il se coupait. Le monde dit, c'est Étienne Dao qui? C'est ça. Quand t'es trop gêné, t'essayes de faire quelque chose de médiatique pour te dégêner. Là, quand tu descends en bas, parce qu'à l'époque, on était sur la rue Saint-Ursule, les studios étaient au deuxième étage, il fallait descendre en bas. En bas, il y avait des gens. Mon Dieu Seigneur! Non, à l'époque, Rénal n'était pas. Il passait sous le tapis, là. Hey, c'est quoi la boule qui roule sur le tapis rouge? Ah, c'est Rénal. Il veut sortir, son émission est terminée, là. Il est très gêné, très, très, très gêné. Mais... Il rentrait avec ses disques, là, ses CD. Il a terminé son émission qui s'appelait, parce que c'était obligatoire de prendre « Moi, j'ai deux champions dans mon étable, un qui marmite et l'autre qui gloutoule. » Quand même, essayez de gloutouler, voilà. Madame, gloutoulez-nous ça. Êtes-vous capable de gloutouler? J'aimerais savoir qu'est-ce que veut dire le mot gloutouler. C'est émettre un son qui ressemble à la gloutoule. Ah non, pas la gloutoule, la grosse chose qui fait... As-tu gloutoule? Vous gloutoulez. Vous avez inventé un personnage qui gloutoule. À la maison, là, ce soir, il est très tôt encore. Là. Quelle heure est-il? Minuit et quart, gloutoulé dans votre... vous êtes quoi, couché, là? Sous la marmite? Non, mais c'est l'édredon. Pour moi, parce que si je me rappelle, quand moi, je me couche, c'est sous la marmite. Avec qui? Avec les belles... au bœuf, là. Les belles boulettes au bœuf. Ah, dans la sauce brune. Oh là là, je flotte dans la sauce brune. J'essaie de m'endormir puis me laisser caler dedans, là. Là, c'est beau sentir dans la sauce brune. Aimez-vous ça, madame? Oh non, moi, regarde, je suis préposé au bénéficiaire. Qui? Je suis préposé au bénéficiaire. Oui. La sauce brune, j'en vois tous les jours. OK. Je mange plus de ragoût depuis ce temps-là. Pourquoi? Ça me rappelle tellement de mauvaises choses. Mauvaises choses? Mauvaises choses. Allez-y, dites non. Le ragoût! OK. Écoutez-moi, je suis auprès des personnes plus âgées, là, qui ont oublié le moment de mourir, qui ont 450 ans, qui s'égrènent dans leur couche. Hey, Madame Tremblay, je pense qu'ils vous ont oublié en haut, hein? Je m'en communique avec eux. Hey, allô? Allô, le ciel, il y a quelqu'un en bas qui est en train de pourrir. Il pourrit. Pouvez-vous le... On va vous donner son numéro d'assurance sociale, s'il vous plaît. OK? 43-61. Là, après ça, tout se bouge, puis en haut, les extraterrestres sont passés, les soucoupes volantes. Tout est fait pour masquer le message. Parce que la personne qui reste en bas, c'est Essiomo. Essiomo veut dire « voici l'homme ». L'homme avec un grand H, autant une femme qu'un homme. Et c'est la femme qui vit depuis autant d'années qui sauvera la planète. Et t'es un malade, toi, hein? T'as pas assez dormi, t'as pas bu ton 4 heures, ta maman t'a pas sevré à temps. Tu t'es noyé 3 fois, t'as manqué d'oxygène. Diane Dufresne, tu l'as pas chanté assez, donnez-moi de... Hein? Bon, tranquille, go. Non, couche-toi, bon. Donne-y un os, il va s'arrêter, voyons donc. Monsieur Grenier! Oh, là, on commence l'émission. Ah, merci de nous le dire! Non, mais parce que moi-même, je dois me placer des arêtes. Des onglets. Arrête l'onglet! Non, c'est très bon, les onglets. Ça nous dirige vers quelque chose. Enlever ça, là, c'est... ça zigzague. Ça erre. Mais c'est ça le but de l'émission! Ben, on le fait... merci. On le fait quand même passablement comme ça, là. On a perdu 3-4 auditeurs. Une auditrice, mais elle sait pas encore, là. Elle enlève l'écouteur à leur mère. Y a-tu de la musique? Y en a-tu? Non. Bientôt, là, madame. Dans quelques minutes. Là, j'ai dit 6 minutes parce que j'ai perdu un peu les ondes encore là. C'est la faute des ondes? Non. Des ondulations? Oui. Qui sont causées par? Par mon intelligence. Oh bon, OK. On va te... Non, peut-être. On va vous laisser le bénéfice du doute. Elle aime ça. Ça lui fait plaisir. Ça la valorise. Le genre humain a besoin d'être valorisé. C'est toi le meilleur. Continus. Rapporte de l'argent. Reste tranquille. Demande pas une paye. Sois sage. Présente-toi longtemps avant ton travail pour travailler quelques heures. avant, toujours avant, avant ton corps de travail. Ton patron va t'aimer. S'il te témoigne pas qu'il t'aime, c'est qu'il n'a pas le temps. S'il n'a pas le temps, c'est qu'il compte l'argent qu'il a fait sur ton dos. Mon Dieu, ça me rappelle quelque chose. Monsieur Grenier, êtes-vous un adulte? Ben, je crois bien que j'ai adulé mon épouse à une certaine époque. J'ai adulé mes enfants. J'ai adulé mon chien, mon chat, mon poisson rouge. Et maintenant, j'adule mon verre d'eau pas de glace, puisque je me dis, il peut pas fondre plus que l'eau qui est dedans. C'est liquide, hein? La pire chose qui pourrait arriver, c'est que ça se perde, le liquide, hein? Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça soit aspiré par l'oxygène, l'hydrogène, le carbogène, le cardiogène. Ça volatilise comme un musicien, non, un magicien. Quoique un musicien, c'est un magicien du visuel, hein? C'est un musicien du visuel. Viens-t'en dans ta robe de snoraude, dans ton enjoliveur d'amour, ma belle, mon inspirante ouverture vers la vertigineuse aventure qui fracassera nos souvenirs jusqu'à la finalité de nos existences. Ça ressemble un peu, c'est un clin d'œil à Gaston Miron, ce que j'ai lu avant. Je réjouis ma première personne du singulier avec l'enjeu que cela mérite, la dangerosité aussi, le vertige de l'introspection entre les pourquoi et les comment, les réponses souvent défoncent l'entendement. Un, deux, trois, j'entends défoncer, pou, pou, pou, pou, l'entendement, pou, pou, pou, pou. Savoir se plier, non, savoir se... Ouais. Moi, je sais plus me plier, moi, là. En 92, comme on le dit au début de l'émission, non, avant l'émission, il y a quelque chose qui parle de savon, hein. Jamais je me plierai à ta savonnerie, moi, ma belle ingénue. Bon, OK. Savoir... OK, bon, OK. Savez-vous que lorsqu'on dit « OK, ça va, OK », c'est comme si on préparait un mur de briques pour dire « Reviens plus! » C'est une petite idée qui a passé comme ça, qui n'a pas été trop extravagante, qui n'a pas fait grand-chose, fait que « Reviens plus! » Peut-être que plus tard, ça, c'est dans d'autres émissions, pas maintenant, dans d'autres émissions, tu reviendras plus lumineuse, plus flamboyante, plus fleurie que maintenant. On lui laisse des chances. Faut laisser la chance au coureur. Tu viens de courir? Non, je suis asthmatique. OK. Alors, savoir... OK. Non, mais OK. OK, OK. J'étais sur mon bateau, talalantilala, sur mon patatato, talalantilala, sur mon patate, sapata, sur patatato. Oui, oui, tu, OK. Savoir se priver de la chambre qui s'occupe des membres de la cellule clandestine, c'est connaître l'antidote de la mort sans pour cela faire d'histoire. La méthode rénaldienne, celle qui étonne et qui réjouit. Oh, attends, on laisse pas ça de même. OK, on met de la frivolité. Allez-y, monsieur. La méthode rénaldienne. Celle qui étonne et qui réjouit. Hey, c'est gagnant, ça, là. Je pense que j'aurai. Un jour, ce sera ton tour. Pour toi, tu gagneras le gala. Le gala est juste pour mourir. Non, je pense que c'est comme les fins de soirée. Là. C'est les galas juste pour vos... Vos parents sont appelés à venir vous chercher en ambulance puisque vous dormez depuis déjà quelques décennies. Vous êtes comme Je sors m'exclure à la conclusion de la foule qui se dirige solitaire sur cet autre qui ne figure pas au nombre d'anonymes qui circulent vers un semblant de chemin. On termine les textes, là. C'est la dernière chose, la dernière page. Au pays des abris, non. Excusez-nous. Madame Thibodeau est demandée au dossier. Au pays des sans-abris, on ne rit pas, on cherche des circonflexes pour se préserver, pour bâtir maison que les autres jugeront quand même, puisque la nouveauté toujours étonne. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et fouches résidences, bienvenue à l'Indépendance émission francophone pour un Québec libre dans une société heureuse. Attention, fuse, fille, chasse et bidet là-dessus. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous nous dirigerons vers de la belle rencontre. La preuve, aujourd'hui, le vendredi 28 novembre 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la demoiselle intellectuelle Aïda Valsanu. Née en 1975 à Pitești, Aïda Valsanu est roumaine. Journaliste professionnelle en France depuis 4 ans, elle assure également la direction artistique de plusieurs rencontres littéraires et salons du livre. Fille d'éditeur roumain, amoureuse de la France depuis toujours et aussi et surtout de Paris, Aïda Valsanu s'attache à faire connaître la culture française et roumaine. Non, un peu. La culture française en Roumanie et vice-versa. J'ai vraiment pas eu tort de ne pas reprendre. En juillet, on comprend pas, je sais tu comprends pas. En juillet 2014, Errance Rénaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cette fille incroyable. Vous allez sentir les flamèches. Un voyage chargé pour cette nuit. Ah, aimez-vous les flamèches? Ça court-circuite mon cervical. Un voyage chargé pour cette nuit automnale, cervicale automnale. Cette émission sera dans les annales. Dans les anneaux? Dans les annales! Au-dessus de l'anneau de Saturne qui tourne encore. Tourne, tourne, tourne donc. Thank you.

langue de bois, la langue de bois, pour dire qu'on triche avec les mots, pour dire qu'on ment et de surcroît qu'on insulte aussi les ormeaux. Faut-il que l'homme soit macabre pour blasphémer la langue d'arbre, la langue du bois, la langue du bois. La langue de bois, la langue de bois, pour désigner paroles vaines, c'est insulter ma fibre à moi, la sève vivant dans mes veines. Jactez, beaux messieurs, sans remords, vous ne valez pas un sycomore. La langue du bois. Les arbres parlent plusieurs langues, selon les sens, le ciel, l'endroit. Le bois de l'un prononce mangue, le bois de l'autre dicte la noix. La langue du bois. La langue du bois. Et quand ses branches se déchaînent, quoi de plus beau qu'un bois d'ébène qui offre le fruit de la joie. La langue du bois. Yema. Petit chanteur à la croix de moi, de la croix de moi dont on fait les arbres, aux quatre bouts de moi finis comme du marbre, et de toutes mes feuilles dont je connais le poids, des branches aux racines, de la basse à la cime, je chante ma langue de bois, perché sur du racine. We'll be right back. souvenirs ou à nos baisers, nos liaisons secrètes, filmées quelque part en Crète. On y voit nos voiliers, nos yachts, nos vedettes, blanches comme dans l'eau violette. La nuit, vous nous voyez dans les discothèques, lindes comme dans les toilettes. Jet set. Thank you. a long, long time ago. Should've gone on, honey. left my money at the general store. I said, now buy a little groceries and don't spend no more. But she paid $10 for a 10-cent hat and bought some store-bought cat food for that mean-eyed cat. When I woke up this morning and I turned my head, there wasn't a cotton-picking thing on her side of the bed. I found a little old note where her head belonged. It said, dear John, honey, baby, I'm long gone. When I heard a whistle blowing and the big wheels were turning, I was scared as I could be. I put on my overalls and I headed to town, gonna bring her back with me. I asked the man down at the station if he'd seen her there. I told him all about her pretty eyes and long blonde hair. He spit his tobacco, said, I'll beat that blame. I believe I did see her leaving on the eastbound train. I bought a round-trip ticket on the eastbound train. I was broke as I could be. But when I come back, I gotta buy another ticket. Gonna bring her back with me. Well, I got off the train somewhere in Arkansas, and I worked up the guts to call my mother-in-law. She said, I'll tell you where she is if you act right. She's working 4 to 12 at Trucker's World tonight. Well, when I walked in, she saw me, and she took off her apron, and she grabbed her going-home hat. She bought a ticket with her tips. Now we're curled up on a sofa, me and her and that mean-eyed cat. Des choses qui font rêver, qui font rire ou qui font pleurer. Au lieu de bandes dessinées, fais-moi des bandes chansonnées et chante-les. Dis-moi des histoires de marins, hein, de flibustiers et de pingouins, avec des mots en musique, et fais-moi des bandes chansonnées et chante-les. Moi, mon quotidien, c'est ni figue ni raisin, c'est juste un hier suivi d'un lendemain. Mais j'ai une petite danseuse qui se remonte sous un globe avec une petite montre. Des draps. Dis-moi où sont passés les fées, dinosaures et les pygmées. De ces images déchirées, fais-moi des bandes chansonnées. Chante-les en français, en couleur et par cœur. J'ai pour lendemain les 10 doigts de mes deux mains. Je quitte le four pour aller au moulin. J'ai une petite danseuse qui se remonte sous un globe avec une petite montre. Détraqué. Tell me something qui fait rêver. Hey. Tell me something qui fait planer. Avec des mots en musique, et fais-moi des bandes chansonnées. Hey. Danse-les en anglais, en couleur.

auras des babies quand même tout autour de toi. Laisse faire le temps, faut savoir écouter le vent. Et surtout, surtout, ne pas tout le temps faire au gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna. Quand t'as pas la mort que t'aimes, faut t'aimer la mort que t'as. Pas faire des problèmes là où y en a plus. Laisse faire le temps, faut savoir écouter le vent. Et surtout, surtout, pas tout le temps faire des gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna. Chercher le garçon,